J'aurais plus rien faire. Bonjour les petits enfants et bonsoir les grands, bonsoir les grandes, bonsoir les petites, bonsoir les moyennes, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez vraiment autre chose, la petite émission du jeudi soir sur Radio Radio 106.8. Du jeudi soir sur 106.8 sur Radio Radio, mais aussi maintenant du vendredi soir. Elle démarre à 22h30 chez nos amis de Bram FM. C'est peut-être comme ça que vous l'écoutez. Vous l'écoutez peut-être en podcast sur le Mixcloud de Vraiment Autre Chose, sur le blog de Vraiment Autre Chose, sur le Mixcloud de Radio Radio. Il y a tellement de belles façons d'écouter Vraiment Autre Chose. Et c'est vraiment autre chose, c'est la 189e édition. Et ouais, et à plus d'un titre exceptionnel. Alors déjà exceptionnel parce qu'on est enfin de retour dans les studios de Radio Radio. Et je ne vous cache pas que ça fait plaisir de se retrouver entouré de tout ce bon vieux matériel. Hein. Les deux dernières émissions, on les avait fait à domicile avec l'ami Guénolé, puis même moi-même tout seul. Des émissions qui seront bientôt en ligne. Hein. Pour l'instant, elles se sont perdues dans les méandres de l'Internet. Mais nous sommes à leur recherche, nous allons les retrouver. Et cette émission, elle est exceptionnelle parce que c'est enfin aussi le retour de Au pied de la lettre, c'est l'édition numéro 19. Et enfin, elle est exceptionnelle parce que je ne suis pas seul, que je suis accompagné au-delà des frontières numériques et même au-delà du Quiévrain par l'ami Nico. Bonsoir Nico. Bonsoir, bonsoir Manu. Et de tous les auditeurs, auditrices de l'autre côté de la frontière. Bien content, on va se la présenter en binôme, celle-là, du coup, d'émission. Et j'en suis, ma foi, fort aise. Et donc, c'est au pied de la lettre. Alors, pour ceux qui auraient raté, celles qui auraient raté les épisodes précédents, au pied de la lettre, c'est une série de hors-série dans lesquelles l'équipe de Extensible de Vraiment Autre Chose s'attaque à une tentative d'exploration radiophonique de la Nurse with One List. Alors, la Nurse with One List, c'est une liste, comme son nom l'indique, qui apparaissait, comme son nom l'indique aussi, dans le premier album du groupe Nurse with Wound. C'était un trio à l'époque. On est en 1978 quand sort Chance Meeting on a Dissecting Table on a Sewing Machine and an Umbrella. Album qui fera date déjà parce que c'est un excellent album de musique expérimentale et aussi pour la présence de cette liste. Liste dans laquelle les musiciens indiquent leurs influences, les groupes qui les ont influencés. C'est le propos de Stephen Stapleton et John Fogerstilp notamment, de dire de toute façon on n'a pas besoin d'être musicien pour faire de la musique, il suffit de savoir l'écouter. Et ces deux gens-là en écoutaient beaucoup de musique, étaient férus de musique et traînaient dans tous les disquaires possibles et imaginables à Londres, en Angleterre et même en Europe à la recherche de pépites de musique expérimentale. C'est ce qui a forgé leur connaissance musicale, c'est ce qui a forgé leur envie de faire de la musique et quelque part c'est ce qui a forgé leur musique. Et cette liste est allée bien au-delà de ce groupe, de cet album, et même des amateurs de Nurse With Wound. C'est vraiment une liste qui a eu sa petite histoire, qui est devenue mythique, si j'ose dire, culte, dans le milieu des geeks, des gros fans de musique expérimentale. Il fallait connaître les groupes de la Nurse With Wound list. Et on arrive une dizaine d'années plus tard, où les disquaires ont des bacs réservés aux disques faisant partie de cette liste-là, où les labels ressortent ces disques-là, et certains qui s'étaient sortis peut-être à une dizaine ou une centaine d'exemplaires en mode DIY retrouvent une deuxième vie, une longue vie même, il y a certains qui sont devenus cultes grâce à cette liste-là. Et c'est cette liste, la Nurse With Wound List, 300 noms de musiciens, musiciennes et groupes qu'on a décidé d'attaquer avec l'équipe de Vraiment Autre Chose depuis maintenant 19 émissions, enfin en tout cas on attaque la 19e, voilà. Et ce soir, et là je vais laisser la parole à mon ami Nico, on va avoir un fil rouge. Tout à fait, on va ce soir commencer avec une formation que j'adorais énormément, spécialement la période le début de la formation de ce formateur-là, parce que je parle de Gong. Et Gong, une formation qui était créée autour de David Allen et Jelly Smith. Et David Allen, peut-être vous le connaissez, parce qu'il était aussi un des cofondateurs de l'autre groupe mythique, Soft Machine, qui était créé en 1966 dans le UK. Et donc, David Allen lui-même est un Australien qui était émigré vers l'Angleterre. Là, il rencontre Jelly Smith et les deux vont s'installer à Paris. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un groupe qui est un peu ses bases à trois pays différents, la France, l'Angleterre et l'Australie. Mais peut-être qu'avant de trop de dire, on va peut-être écouter un morceau qui vient de leur tout premier album, parce que durant toute l'émission, on va découvrir six albums, les six premiers albums de cette formation-là, et parce que durant ces six premiers albums, il y a toujours David Allen et Jimmy Smith qui sont inclus, mais après le sixième album, les deux quittent la formation. Et là, on entend que c'est notre groupe et c'est moins intéressant pour moi personnellement. Donc, je ne sais pas pour tout le monde que c'est la même chose parce qu'il y a des gens qui adorent vraiment bien Gong de cette période-là. Mais pour moi, c'est plutôt le groupe qui a commencé en 67 jusqu'à 74 environ. Il faut aussi dire que le groupe était en première fois créé en 67 à Paris. Mais il y a aussi la révolution le mai 68, et là, David Allen et Jimmy Smith sont retournés vers l'Angleterre. Et en 69, ils sont retournés vers la France, et là, ils ont reconstruit une deuxième formation Gong, et le résultat est devenu un premier album qui s'appelle Magic Brother. Et on va écouter un morceau qui, je dois juste me scroller parce que j'étais un peu trop Ils vite sont dans repartis mes... en Angleterre pendant la parenthèse de mai 68 pour fuir les événements ou au contraire parce qu'ils étaient plus les bienvenus en France? C'est quoi l'histoire? Enfin, si tu la connais. Je ne sais pas, peut-être te le sais, moi je ne sais pas. Moi, Je ne connais pas. il me semblait avoir lu que David Allen a été reconduit, enfin, du moins a dû regagner l'Angleterre avant de repartir en France. C'était pas de son propre choix, de ce que j'ai pu lire. C'est possible, c'est possible, c'est tout à fait possible. J'essaie de gagner du temps pour te laisser choisir de quel Voilà. titre on va passer entre Ego ou Mystic Sister. Voilà. Et c'est un Mystic Sister, Black. Non. Mystic Sister, Magic Brother. Voilà, ouais. Allez, c'est parti. Et du gong, j'espère que ça va vous plaire, chers amis auditrices, parce qu'on va en entendre tout au long de la soirée. Joie, gong. when darkness and sin go, and they make me will all find out just what it's all about. And listening for the sound, it's happening underground. Believe what you want, for you it's true, you are your own. Give what you got and you get more than you ever. More you know, more love and more and more. Simply sleeping with the sea, the golden gate has lost the key. The prophets told them what they know, that one in all in one is so. Cause if you know what you're doing, then it is the only way. If you live your life and life and you love your day anyway. And if you learn not to burn, unless you want yourself to drown. And if you close your eyes just to get up high so you can look back down. Well, everything can make the flicker of light and shake a body to wonder by, a whistle of sound and sigh. Whose are these words I sing, and what does my guitar say? This is not me, I am not this, I'm only part. The more you know, the less you know, the more you know. Et voilà, Mystic Sister Magic Brother, titre tiré du premier album de Gong. On est en quelle année, tu disais ? Donc c'était enregistré en 69, je pense que c'est en septembre, octobre 69 que c'était enregistré. Et l'album est sorti début 70. Ouais, ben on est vraiment dans l'idée musicale qu'on peut se faire de l'époque, quoi. C'est Flower Power, Summer of Love, hein, c'est très, très hippie, quoi. On a envie de s'asseoir sur un tapis indien, et en même temps, si on prête l'oreille, il se passe des choses un petit peu bizarres derrière, et puis elles vont venir de plus en plus récurrentes un peu dans l'œuvre de Gong. Toujours un groupe à mi-chemin entre une pop psychédélique et le fait aussi qu'il y ait des très très bons musiciens de jazz à l'intérieur du groupe. Il y a un côté jazzy qui prend un peu, qui commence à prendre l'ascendant, qui le prend de plus en plus et qui finira par le prendre totalement dans des formations post-Gong, là dont tu parlais. Ce Gong, c'est un groupe qui en soi est jamais mort, quoi. Quand ça s'est arrêté, même les deux leads s'en vont, Gong existe encore avec d'autres musiciens, et du reste, depuis la mort de David Allen, Gong existe encore avec d'autres musiciens. C'est assez fou. Gong est un groupe éternel. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est aussi très varié au niveau des réalisations. Et comme je disais au départ, pour moi, le Gong, c'est vraiment les premiers 6 albums. Ça, c'est l'image qui est Gong. Parce qu'à ce moment-là, il y a encore David Allen et Jilly Smith qui sont dedans, et on entend bien leur voix, leur point sur la réalisation de ces 6 albums-là. Ouais, je te rejoins complètement. Eh bien, on en écoutera un petit peu plus tard. Pour l'heure, je peux vous proposer, voyons, qu'est-ce que j'ai en choix ? Qu'est-ce qu'on pourrait s'écouter ? Je peux vous proposer du jazz expérimental acoustique. groupe plus expérimental. Électronique pour proposer un groupe de prog allemand qui casse pas trop des briques ou bien un groupe de psyché batave plutôt bien sympathique. Qu'est-ce qui te ferait pas envie là comme ça sur ce choix? Ah, la question c'est déjà c'est quoi l'expo, c'est quoi l'expérimental? Ah, je bah, connais pas, tout pas est. vraiment le mot de musique expérimentale, je connais pas du tout cette définition là, et donc voilà. Eh ben, on va commencer par de la musique expérimentale, alors, pourquoi pas? Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'elle est définie à vrai le temps. C'est une musique, en tout cas, qui naît d'expérience musicale, en tout cas, très clairement. Je vais vous parler de Jean Guérin. Je connaissais pas du tout ce monsieur avant qu'on s'attaque à cette Nerd Swiss Von List et que mes choix, son nom sur la lettre G, puisque ce soir, nous l'avons pas précisé, mais nous sommes dans les groupes et musiciens et musiciennes dont le nom commence par un G, puisqu'on aborde cette liste de façon alphabétique, voilà. Donc au pied de la lettre 19, lettre G, on a écouté Gong et on va passer à Jean Guérin. Vous ne connaissez pas du tout ce musicien. Je sais pas si grand monde le connaissait, d'ailleurs, même dans ces années-là, dans les années 70, c'était un batteur plutôt classique, on va dire, quoi, impliqué dans la scène bebop en France, musicien de studio, mais surtout de live. Et l'histoire commence en 1970, quand son ami Claude Faraldo lui demande d'écrire la musique d'un film. Le film s'appelle Bof, l'anatomie d'un livreur. Et vous parlez vite fait de ce film, parce que c'est un film plutôt sympa, c'est un film anarchiste qui suit le parcours d'un livreur qui décide d'un coup d'arrêter le travail. C'est une ode à la paresse. Et c'est un film qui a bien marqué, qui a choqué le public français par le fait que ça cassait un peu le côté métro, boulot, dodo. On a beau être après les années, après mai 68, bah, toute la France n'était pas non plus pro-68. À vrai dire, même les élections en 69 ont prouvé le contraire. De toute façon, les révolutionnaires sont souvent minoritaires, quoi qu'il arrive. Et donc, du coup, la France bien pensante voit débarquer ce film et le reçoit plutôt mal, hein, ce bof, l'anatomie d'un livreur. Et c'est l'occasion, en tout cas pour Jean Guérin, de se livrer pour la première fois de sa carrière de musicien à de la composition et en plus à la composition pour la musique de film. Et du coup, on retrouve plus du tout le batteur classique de bebop. Là, pour le coup, c'est une œuvre assez particulière qui sort en 70 dans le film et qui sort ensuite en 1971. Sorti par le label Futura, label plutôt branché justement de musique de traverse, musique plutôt expérimentale. Et vous allez l'entendre, pour le coup, il y a de l'expérience, quoi. Il a vraiment tenté des choses. Et ce disque est vraiment, je connaissais pas du tout, et je pense que c'est quelque chose qui va tourner assez souvent dans mes platines si je le chope en vinyle. Je crois que ça a été réédité par nos amis de Souffle Continu Records, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est un peu l'avantage de la Nerd Swiss Von List, ce que je vous disais tout à l'heure en préambule d'émission, c'est que ces disques auraient dû rester complètement inconnus, et au contraire, cette liste leur a donné une deuxième naissance ou une troisième naissance. Et c'est vrai qu'en France, Souffle Continu, par exemple, qui est un disquaire parisien, mais aussi un label, sort fréquemment des disques issus de cette Nerd Swiss Von List pour notre plus grand plaisir. Allez, trêve de blabla, écoutons de la musique. On va écouter le titre qui introduit l'album. Le titre, c'est Triptyque 2, donc Jean Guérin, tiré de l'album Tassette. Et vous allez voir, c'est assez dur de se dire, enfin, c'est dur à imaginer que ça puisse être la musique d'un film, et d'autant plus la musique d'une comédie anarchiste. Mais voilà, c'est parti, donc le titre Triptyque 2. Thank you. C'était donc Triptyque 2, tiré de cet album Tasset. On est en train de découvrir Jean Guérin tous ensemble. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. Moi, j'aime beaucoup cette façon d'écrire de la musique. C'est très percussif. On sent que c'est un batteur derrière la composition. Hein, et ça peut rappeler vaguement Jacques Tolo, qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans cette liste. Lui aussi s'est lancé dans des choses un peu expérimentales. Pourquoi pas Robert Wyatt aussi, dans le genre « Je suis un batteur et j'écris des musiques un petit peu étranges ». Voilà, c'était le premier titre, Triptyque 2. C'est le seul où vous allez trouver des réminiscences de jazz. Pour le coup, il y en a un petit peu là, c'est un peu son passé bebop, mais voilà, c'est le premier morceau. Après, il se débarrasse complètement de cet héritage-là, si j'ose dire, pour continuer à nous amener dans un espèce de voyage assez barré, assez fou. Ça s'entend que c'est de la musique de film, je veux dire par là que c'est visuel, c'est vraiment visuel, il se passe des choses. Après, j'ai du mal à imaginer que dans le film ça corresponde à ce qu'on puisse imaginer nous en écoutant la musique. En tout cas, c'est vraiment de la musique qui raconte quelque chose et qui décrit des moments, des instants. C'est très très beau. Alors, c'est le morceau le plus enlevé, là, le morceau qui ouvre l'album. Pour le reste, on est vraiment dans des choses beaucoup plus planantes et fortement intéressantes, et ça répond à des questions essentielles, par exemple à la question « Que se passe-t-il si on met deux trompettes et une darbouka et qu'on triture tout ça en studio comme des gros malades ?» C'est pas étonnant que Nurse With Wound est bloqué sur cet album-là. C'est vraiment pas étonnant. Pour le coup, la filiation, elle saute un peu à l'oreille. Justement, qu'est-ce qui se passe quand on met deux trompettes et une darbouka et qu'on triture un peu tout ça en studio ? Ça donne un titre qui s'appelle BM37. C'est le cinquième titre de l'album. On va se l'écouter maintenant. Jean Guérin, dans cet album, joue de la basse, de la darbouka, des percussions, de la boîte à rythme et du VCS3, ainsi que des électroniques. Son camarade Dieter Gewissler l'accompagne à la contrebasse, Philippe Maté tient le saxophone. Et quant aux trompettes, il y a une trompette aquatique assurée par Jean-Paul Rondepierre. Et le deuxième trompettiste, c'est Bernard Vité. Et ce nom me dit quelque chose. Est-ce que c'était pas un des gars du drame musical instantané, Nico, ou je dis n'importe quoi ? Je ne sais pas. Ah, d'accord. C'est possible. C'est possible. Le nom me parle. J'ai l'impression qu'on a déjà cité ça. Et je me demande s'il ne faisait pas partie de ce drame musical instantané aux côtés de Jean-Jacques Birger. Mais il faudra que je vérifie. Mais ce nom me parle en tout cas. Et voilà, la musique, vous avez pu l'entendre, hein, c'est vraiment des ambiances extrêmement particulières. On va continuer avec un titre qui va plutôt chercher du côté de la musique contemporaine et qui a un nom magnifique, ça s'appelle « Interminable hommage à Zaza ». L'interminable hommage à Zaza, c'était à l'instant donc toujours tiré de cet album Tassette, donc l'album de Jean Guérin. Et voilà, tout ce qu'on vient d'entendre, c'est la musique d'un film plutôt truculent et anarchiste et social et comique. Voilà, j'ai presque envie de voir le film juste pour voir comment ils sont arrivés à insérer une musique pareille dans un film. Je serais vraiment curieux. Nico, qu'en as-tu pensé ? Tu connaissais déjà Jean Guérin ? Moi, je connaissais pas, mais je suis je suis un peu impressionné. C'est assez intéressant comme son que j'entendais. Eh ben écoute, si t'es impressionné, que ça te plaît et que moi aussi, allez, je te propose qu'on en écoute un quatrième. y a 7 titres en tout. Hein. Toujours à préciser, parce que c'est important de le préciser, que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écouter ça gratos sur le Bandcamp de Souffle Continu, qui ont réédité cet album récemment en vinyle, mais aussi en Bandcamp. Ça aussi, c'est une des joies qu'on a avec la Nurse With Wound List, c'est que tous ces albums qui sont ressortis, on peut les écouter gratuitement et se faire une opinion. Moi, ce Jean Guérin, je ne le connaissais pas. À vrai dire, tu m'as, pour raconter un peu la genèse, on s'est eu en fin d'après-midi, tu m'as dit que finalement, tu étais dispo et chaud pour faire de la radio. Et j'étais en mal de préparation. Je suis rentré chez moi, je me suis enfermé, je me suis collé le casque et fait, bon, allez, je prends celui-là au pif. Et waouh, j'ai eu un mal de chien à choisir. Tellement, vraiment, cet album, il s'écoute d'une traite. C'est extrêmement bien fait. C'est beau. L'amateur et les amatrices de curiosité et d'expérience et de sons bizarres, ils trouvent leur compte. Ceux qui cherchent de la mélodie s'y retrouvent un petit peu moins. Par contre, si on juste fermait les yeux, s'abandonner à des pensées méditatives, ça marche aussi très très bien. Et j'en veux pour preuve le titre qu'on va s'écouter maintenant, qui s'appelle Réflexion 2 et 1. Là, on est clairement dans un propos, comment dire, un petit peu plus aquatique. Voilà, ça. Il y a des gouttes et il y a même de la trompette aquatique vers la fin. C'est hyper beau. Allez, réflexion 1 et 2 donc, de Jean Guérin, tiré de l'album Tassé, Tassette. Thank you. Et voilà, c'était Réflexion 2 et 1, et non pas 1 et 2, autant pour moi. Réflexion 2 et 1, le septième titre de l'album Tassette, donc de Jean Guérin, qui à la base encore, je le répète, c'est une bande originale de film, en plus d'un film qui s'appelle Bof, comme bande originale de film. voilà, Bof, Anatomie d'un livreur, donc une ode à la paresse, là pour le coup, le morceau qu'on vient d'entendre s'y prêtait bien. Voilà, que dire de plus que tout le reste de l'album est de cette couleur-là, que je le recommande particulièrement, que c'est un très très beau voyage musical. Et voilà, encore une œuvre que je me ferai un plaisir de réécouter par la suite. Et voilà, c'est toute la joie de découvrir avec vous les groupes de cette Nursery Zone List, c'est que parfois il y a des petites pépites dont on sait dès la première note qu'on va les réécouter encore et encore. Ce sera le cas pour moi de cet album de Jean Guérin. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et aussi, parce que ma connexion n'est pas toujours 100% comme il fallait, tu m'as posé la question de Bernard Vittet. Je n'ai pas bien compris ce que tu me posais parce que la connexion n'est pas très bonne. Mais effectivement, c'est un des trois membres d'un drame musical instantané qui est le trompettiste assez important de cette formation-là. Oui, c'est bien ce qui m'avait semblé. C'était effectivement cette question-là que je t'avais posée, ouais. Carrément. Et j'ai vérifié depuis moi-même au cas où, et effectivement, c'est bien des trois. Ce nom me parle. C'est bien, il y a des choses qui se coupent et qui se recoupent dans cette liste. Ouais. Et c'est pas très étonnant, hein, la scène expérimentale française. D'ailleurs, c'est toujours pareil de nos jours. Hein, les musiciens vont jouer les uns avec les autres. Voilà, il y a beaucoup de recoupements à faire. Ouais. Et est-ce que dans Jean Guérin, il y a encore joué dans les autres formations, ou il a encore sorti les autres disques, ou... Parce que pour moi, c'est un nom inconnu. Mais complètement inconnu, et je crois que sa carrière s'arrête à peu près là. En tout cas, j'ai pas plus d'informations. Ça a été galère de trouver les informations que je vous ai délivrées. J'ai pas passé un temps fou non plus. Peut-être qu'en cherchant mieux, on peut trouver une suite à l'œuvre de Jean Guérin. Mais pour moi, pour ma part, ça s'arrête à cet album-là. Je crois que c'est son seul album solo sorti sous son nom. Parce que je pense qu'il était membre de Ergo Sum, mais c'était aussi durant un an, quelque chose comme ça. Mais pour le reste, je sais rien du tout de lui non plus. Donc. Voilà. À fouiller, hein. C'est d'autant plus bizarre que voilà, c'est vraiment, j'ai lu à droite et à gauche que avant cet album-là, c'était vraiment batteur de jazz bebop classique, quoi. Mm-hmm. Rien qui pouvait présumer de partir dans des horizons pareils. Bah tant mieux. Ouais, et ça c'est chouette de cette liste-là. Hein. On a des noms qu'on entend rarement et d'un coup, on est intéressé, mais on trouve nulle part d'informations, ce qui est aussi le cas plus tard dans l'émission pour une autre formation que je vais présenter, c'est aussi de trouver l'information, c'est super dur. Mais à une époque, il y a une légende autour de cette liste qui existait, disant que Stephen Stapleton avait rajouté deux noms qui n'existaient pas, en fait, qui étaient des fakes. Ouais. Et ce qui est faux, d'ailleurs. C'est cette information, c'était une fake news. Voilà, et ce fake news... Peut-être que c'est celui-là que j'ai choisi ce soir, mais on verra plus tard. Et on va continuer peut-être avec Gong, ou qu'on a découvert déjà le premier album qui était créé en 69 et sorti en 70. Et aussi, il faut savoir qu'en 69, octobre 69, Gong a joué aussi un des premiers festivals un peu dans le sens de, comment ça s'appelle, Woodstock en Europe, qui était en Belgique, dans un tout petit village, et qu'il n'y a pas du tout prévu d'accueillir autant de monde. Il y a plus que 12 000 personnes qui étaient venues à ce festival-là. Et c'est à cause de ce festival-là que Gog a finalement devenu être plus reconnu dans le monde de la musique. Et donc, c'est dans une petite ville qui s'appelle Amouji, justement, entre parenthèses, cette petite information. Et en 71, il y a le deuxième album qui est sorti de Gong, qui s'appelle Camembert électrique. Et pour moi, c'est un album magique, je trouve. C'est vraiment l'album. C'est aussi le seul album lequel ou que j'y porte régulièrement le t-shirt. Parce que c'est l'album qui est magnifique, mais aussi le pochette est super chouette. Et là, on retrouve vraiment l'image, l'esthétique de Gong. Il faut dire que c'est, ouais, c'est un peu dans le même esprit de Faust qu'on en parlait quelques épisodes avant. Et donc Faust, je ne sais pas si que vous vous souvenez encore, il y a un album où que ils ont Virgin a pris l'initiative de vendre les albums à la prix d'un 45 tours et ils ont fait exactement la même chose avec cet album-là de Camembert électrique. C'est Virgin qui a distribué aussi cet album-là. Ils ont dit OK, on va le vendre au même prix qu'un single ou qu'un 45 tours. Et comme ça, les gens vont être motivés, d'être curieux de acheter aussi des autres albums d'un prix normal de même groupe. Ça n'a pas vraiment fonctionné, mais quand même, c'était un bon plan de marketing, on peut dire, déjà à cette époque-là, parce que ça coûtait 59 pence. Donc, c'était un demi-euro environ pour acheter cet album-là. Et C'est donc, marrant parce que l'album de Faust dont tu parles, c'est Faust Tapes, qui était un album où il y a eu de choses coupées en studio, remontées sous le format d'un album, et pareil, vendu au prix d'un 45 tours, et pareil, ça n'a absolument pas marché, et pourtant c'était une bonne idée. oui, mais on parle encore maintenant de ça, tu vois. Donc finalement, ça a quand même marché dans une cible des gens qui sont vraiment intéressés de ce type de musique. Parce que c'est non plus la musique que monsieur et madame tout le monde va écouter chaque jour. C'est de la musique assez complexe, je trouve. Et donc, on va peut-être écouter un morceau qui vient de cet album-là, qui s'appelle I've Been Stoned Before. Et donc, c'est aussi peut-être un peu un jeu de mots. Donc, ça veut dire, j'étais comment on dit ça en Un français, caillou? un caillou d'un côté, mais aussi quelqu'un qui a fumé beaucoup. Donc, qu'il était un peu stoned before qu'il a enregistré l'album, quelque chose comme ça. Donc, C'était probablement le cas en plus. C'est voilà. parti. Gentlemen, attention. I fell down très très beau. I've Been Stoned Before, The Gong, de l'album Camembert électrique qui était ressorti la première fois en 1971 et en, ressorti en 1974 par Virgin, où qu'ils ont donc, comme je disais, le vendu à un prix promo. Et entre-temps, il y a déjà plus ou moins 55 rééditions qui existent de cet album-là. Et je comprends pourquoi. Ouais, c'est clair, c'est vraiment une merveille. C'est un plaisir d'écouter ce, ce titre-là. Ça démarre comme un hymne et puis ça finit avec une espèce de pop psyché. C'est goûtu, ouais. C'est brillant. Il y a le sax derrière. Là, c'est, je ne sais pas si c'est déjà Didier Malherbe au sax, mais ça, c'est très bien ce qui se passe au sax derrière. Enfin, c'est... Pff. Un bijou, un plaisir, toujours un plaisir. On n'arrête pas de dire qu'on a de la joie de la, de, et du plaisir à présenter et les, à découvrir les groupes de cette liste. Et puis des fois moins. Des fois moins. Il y a des choses comme ça, on se demande un petit peu ce qu'elles font là. C'est le cas de ce gâche. C'est moi qui m'en suis occupé. On est en Allemagne. On est plutôt sur du rock progressif. Gâche, c'est un mot anglais, ça veut dire entaille, en gros. Et c'est tout ce que je peux vous dire, parce que c'est impossible de trouver des infos sur ce groupe qui n'aura vraiment pas marqué l'histoire de la musique. Je peux toujours vous dire qu'ils se sont formés au début des années 70, que les musiciens, c'est Jochen Peters, qu'on retrouve au piano, à l'harpiscorde, voix, paroles et composition. Hein, c'est vraiment son projet. Pour le coup, ce gars-là, on le retrouvera dans pas mal de groupes de kraut, de rock progressif allemand par la suite. Il est accompagné par Manfred Thiers à la basse et Reinhard Schirmann à la batterie. Voilà, j'ai fini de lire tout ce que j'avais trouvé comme information sur ce groupe. Après, j'ai pas voulu aller chercher plus loin. Sincèrement, cet album s'appelle Young Man's Gash. Il y a deux faces. La face A est complètement oubliable. C'est du blues psyché, somme toute déjà entendu. Je ne sais pas s'il avait déjà été entendu beaucoup à l'époque, mais en tout cas, à écouter maintenant, ça porte pas grand-chose. La deuxième face n'est pas forcément mieux, mais elle a un poil mieux, on va dire. C'est une longue suite, c'est Young Man's Gash, justement, l'entaille d'un jeune homme, du titre donc de l'album. C'est pas non plus fabuleux. Hein. Y a un petit côté glam dans la voix qui est assez insupportable, je trouve. Enfin, vraiment, pas grosse claque. Mais de temps en temps, comme ça, au détour d'un morceau, il y a des petites bizarreries qu'on n'attendait plus et qui viennent apporter un petit peu de joie à l'oreille. Cela dit, à mon sens, pas assez suffisamment pour que ce soit un album que je recommande particulièrement. Je me suis demandé, en écoutant ça, j'étais là, mais putain, quand même, c'est pas top. Mais qu'est-ce qui a pris à Stephen Stapleton et John Fogerseal de mettre ce groupe dans leur liste? Peut-être que la pochette est mortelle, parce qu'on sait que ces deux-là aussi ont beaucoup pris soin à sélectionner des albums aussi par rapport à leur pochette. Alors, je sais pas si la pochette est mortelle, mais en tout cas, par contre, dans cette suite, Young Man's Gash, il y a une partie, la deuxième partie, le part 2, qui est un poil plus expé. Il y a quelques petites tentatives de bidouillage et peut-être que, bon, voilà, peut-être qu'ils ont juste écouté ce morceau-là et qu'ils se sont dit, ouais, quand même, ça va, c'est des gens qui ont osé faire des choses avec du son. Bon, enfin, bref, j'ai vraiment pas envie de partager avec vous le reste de cet album. Vous le trouverez facilement si vous êtes intéressé sur YouTube ou sur Bandcamp, en tout cas sur YouTube, c'est sûr. Et par contre, on va s'écouter cette deuxième partie, donc Human's Gash Part 2, qui est pour moi vraiment la partie la plus sympathique de l'album et qui pourrait justifier la présence dans cette liste. En tout cas, c'est pour le coup le seul titre que je passe avec plaisir et sans honte dans l'émission. Allez, c'est parti, Human's Gash Partie 2. Yeah. Il est 22h04 sur Radio, et vous écoutez vraiment autre chose, la petite émission musicale d'Obédience Progressive. Au pied de la lettre 19, c'est le titre de cette émission, et nous continuons notre tentative d'exploration radiophonique de la Nurse With Wound List. Nous en sommes à la lettre G. Gong sera notre fil rouge pendant toute la soirée. Et on vient d'écouter à l'instant Gash, le titre Young Man's Gash Part 2, donc tiré de la trilogie, de la suite Young Man's Gash, qui est la face B de l'album Young Man's Gash. Voilà, je l'ai cité trois fois. Et que dire de plus ? Bah rien. Franchement, je ne conseille pas particulièrement cet album, et ce morceau est vraiment la seule partie intense, soit peu intéressante de l'album. Nico, surpassé à Gong. Oui, peut-être que justement le Gash, c'est peut-être aussi une inspiration qui est devenue pour Fetus, parce que lui, il a sorti après. Fetus était un des membres plutôt dans la musique industrielle, entre parenthèses, et un de ces albums-là s'appelle aussi Gash. Probablement, il est un peu inspiré aussi. Le morceau qu'on vient d'entendre, j'entends quand même des éléments de début de musique industrielle dedans. Je ne pense pas pour le reste de l'album, mais c'est ce qu'on vient d'entendre. Il y a quand même des éléments qui me laissent penser un peu à la musique industrielle de cette époque-là. Mais carrément. Par contre, ouais, le reste de l'album n'est pas du tout de cette couleur-là, si ce n'est la fin de la partie 3. La partie 3 est vraiment chiante, mais la fin est vraiment chouette. Mais pour le coup, ça fait 9 minutes, donc bon, voilà. Ouais, ce n'est pas le cas de le faire, d'écouter ça pour l'instant. Et donc, je vais continuer, comme tu disais, avec Gong. Cette fois-ci, c'est Gong, et c'est un album qui s'appelle Gong avec David Allen, ce qui est un peu bizarre, parce que Gong, c'est la formation qui était David Allen avec Jelly Smith, mais pour cet album-là, qui s'appelle Continental Circus, qui était sorti en 72, ça s'appelle Gong avec David Allen. Je ne sais pas pour quelle raison, mais probablement pour mettre l'accent à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est un album qui était déjà enregistré un mois, deux mois avant l'album qu'on vient d'entendre, Camembert électrique, mais qui sort quand même un an plus tard. Et cet album-là, c'est aussi un album qui est un soundtrack, comme on vient d'entendre juste avant au début de l'émission, que tu as aussi choisi un album qui était un soundtrack, et là c'est aussi un album d'un soundtrack pour un film, pour un documentaire qui est en France, qui était directé, où que le directeur était Jérôme Lapérouse. Mais il était un grand fan de David Allen et de Jilly Smith. Il y a plusieurs morceaux qu'ils ont réutilisés, des morceaux de gong, mais qu'ils ont donné des autres noms. Par exemple, le morceau « What Do You Want ?», c'est le même morceau de « Forehead Digs Holes in Space » qui était sur le Camembert électrique. Il y a encore des autres morceaux, mais il y a en total 4 morceaux sur cet album-là. Il y a un morceau original qui s'appelle « Blues for Fantley » et c'est celui-là qu'on va écouter pour vous donner une impression de cet album-là. Et il faut aussi savoir, pour cet album-là, il y a aussi le batteur Pimpal qui rejoint la formation et ça change quand même le son de Gong. Ah, Pimpal, le batteur de Hatfield and the North, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, tout à fait. Ah, super, moi j'ai hâte d'écouter ça, celui-là je ne le connais pas. C'est parti. Motorcycle racing, the greatest power rider in the world. You're lucky that Jason, the greatest power rider in the world. I'm gonna be the fastest rider coming up behind you. Now I'm coming up, you see me, Agostini. Have to catch you later, oh yeah. Maybe gonna be the last. world is coming at me, and the world is coming at me pretty fast. Pretty fast, pretty fast, pretty fast. Man, biding my time. I'm coming up behind you, gonna leave you behind. I'm eating up the track, I'm all alone. A rich man, I ain't accident prone. In my motorcycle racer, a greatest private rider in the world. He is a lucky time chaser, the greatest private rider in the world. You gotta be the fastest rider coming up behind you now. I'm coming down. Time is your world. just you and your bike, and you're all alone, all alone. Man, biding my time, I'm coming up behind you, gonna leave you behind. Looking for the bike, it's gonna catch up my time. You won't catch me waiting at the starting line. You're beating up the track, I'm all alone. Rich man, you ain't accident prone. I'm looking for the bike, it's gonna catch up my time. You won't catch me waiting at the starting line. Waouh! Blues for Bentley. Ouais, grave, super morceau. Est-ce qu'on... J'ai aussi un peu l'impression que la voix de David Allen qui chante ici, il est fort inspiré pour cet album-là de Frank Zappa, Captain P. Ford. Et je pense que c'est pour ça qu'il utilise aussi le mot Blues for Bentley. Effectivement, il y a de ça, ouais. Super titre, merci. Ouais. Et donc, on continue avec, comme tu disais déjà au départ, il y a de temps en temps des formations sur la liste de North Street Wound où on sait pas est-ce que c'est des vrais groupes ou pas, ou des choses comme ça. Steve a insisté toujours sur le fait que la partie de la liste de North Street Wound a été inventée, mais il n'a jamais voulu dire quoi. J'ai eu une fois une conversation avec lui pour mon émission, et là, il me disait aussi, oui, au départ, il suggérait qu'il y a presque la moitié de la liste qui n'était pas vraiment des vraies choses, mais il ne s'attendait pas que la technologie évoluait comme actuellement et que maintenant, on peut trouver tout ou presque tout en ligne. Et qui disait, voilà, la majorité des groupes existaient, il y a peut-être un groupe qui n'existait pas. Je ne sais pas si que le groupe que je vais présenter aujourd'hui, c'est ce groupe-là, parce que le groupe qu'il a indiqué sur sa liste s'appelle God in Disguise. Si qu'on regarde, on ne le trouve nulle part, God in Disguise, mais on trouve sur une formation suédoise qui s'appelle Förklädd Gud. Et si on le traduit en anglais, c'est God in disguise, Förklädd Gud. Ça veut dire que le Dieu qui est déguisé. Et probablement, c'est cette formation qu'il voulait dire que, qui est peut-être vrai, qui est peut-être pas vrai. Mais on ne trouve nulle part d'informations de ce groupe-là. C'est peut-être un peu déjà un groupe qui fait du jazz, un peu d'improvisation, un peu de free jazz. C'est aussi pour le festival Jazz Sphérique 77. Donc, c'est pour un festival de jazz en Suède qui a eu lieu en 1977. Et c'est avec un batteur, Gustav Mattsson, qui n'est pas le même que le Gustav Mattsson qu'on connaît actuellement comme le saxophoniste. Il y a aussi un batteur, pianiste, percussion qui était joué par Thomas Gabrielsson et encore beaucoup d'autres musiciens, mais on trouve nulle part d'informations autour de eux. je propose plutôt qu'on va écouter un peu de leur musique. J'ai choisi deux morceaux, un qui est très court, qui est, je pense, 2 minutes, et un autre qui est 6 minutes, qui s'appelle, le premier, c'est David's Cup, et on continue immédiatement avec Flask Lang, de l'album Jazz Spheric 77, qui était sorti en Caprice Records en 77. I'm

à cette fin. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment le morceau le plus long que j'ai trouvé le plus intéressant. Vraiment. Très ouais. Sympa, ce flasclag avec des trémas sur le A. Ouais, j'ai personnellement beaucoup aimé la construction de ce titre-là. Voilà. Ouais. Bah, j'ai vraiment aussi découvert cet album-là grâce aux participations à cette série d'émissions. Et pour moi, c'était une belle découverte. Aussi, le tout premier morceau qui est 26 minutes, qui s'appelle Sweet Birth, qui était plutôt une composition de musique contemporaine, des choses comme ça, mais qui est super intéressant, je trouve. Mais voilà. Donc, je suis très, très heureux de participer à cette série pour découvrir de temps en temps des choses que je ne connaissais pas du tout. Et je pense qu'on va continuer avec le Gong. On va continuer avec le quatrième album qui est considéré comme leur troisième album en studio, qui s'appelle The Flying Teapot. Et c'était le premier album d'une trilogie qui s'appelle The Radio Gnome Invisible. Et donc c'est la partie 1 qui était il y a trop de mots et je ne sais pas de pied mes mots que vous comprenez ce que je voulais dire, mais ici c'est le premier album où le guitariste Village participe, mais il était rentré au milieu de l'enregistrement et donc on n'entend pas beaucoup, il a justement ajouté quelque chose sur quelques morceaux, des choses comme ça. Mais je ne sais pas sur le morceau qu'on va écouter si lui a en participé. Et on va écouter le morceau Which Song, I'm Your Pussy, qui est sorti en 73 sur l'album Flying Teapot Radio Gnome Invisible Part 1. Thank you. C'était Witch Song de I'm Your Pussy de Gong qui venait de leur album Flying Teapot, Teapot qui était le Radio Gnome Invisible Part 1. Et aussi pour moi, le Flying Teapot, c'est quand même à côté de Camembert Électrique, deux albums clés de Gong. Et aussi ce morceau qu'on vient d'entendre, c'était écrit par David Allen et Gilly Smith, donc vraiment les deux fondateurs de cette formation. Ouais, et on sent déjà poindre dans ce titre-là, et ce qui sera de plus en plus visible dans les albums à venir, cette espèce d'ambivalence qu'il peut y avoir dans ce groupe, cette espèce d'équilibre instable, mais qui tient entre un certain esprit psyché un peu fou. Là, ça raconte toute cette histoire de Radio Gnome Trilogie. Radio Gnome Invisible, la trilogie Radio Gnome Invisible, c'est les aventures de Zero le héros, Zero the Hero, qui va sur la planète Gong, qui rencontre notamment les Flying Teapots. C'est pas des soucoupes volantes, là, c'est carrément des théières volantes. Là, on vient d'entendre la chanson de la sorcière. Enfin, ça raconte toute une histoire. Et à ce côté-là, dans Gong, justement, un petit peu fou, un petit peu foutraque, et à côté, un petit côté hyper carré musicalement, des musiques de jazz de très très haute volée, et c'est moi personnellement ma période préférée, c'est cette trilogie là de Gong, où vraiment on retrouve le jazz a pas encore pris tout le pouvoir, il le prendra peut-être par la suite dans d'autres groupes qui s'appelleront Gong sans les membres originaux. Là il y a on est vraiment sur un espèce de juste milieu d'équilibre instable de force antagoniste, et ça marche à blinde, je trouve. Tout à fait, et ça aussi c'est... J'ai eu l'occasion de voir une fois Gong, mais pas Gong, mais le David Allen Trio dans un club de jazz à Bruxelles en 1994. Et donc, je voulais dire que c'est dans cet esprit-là qu'ils ont joué, et c'était formidable. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de voir Gong en concert. Je raconterai ça un petit peu plus tard quand on reviendra, on reviendra sur le groupe. J'ai notamment vu le nouveau Gong aussi. Mais on va continuer l'exploration de cette liste. Et puis on va rester un peu dans le psyché. Tiens, on va rester un petit peu dans le psyché. On va aller en Hollande, du côté de la Haye, où un groupe voit le jour en 1964. Et ce groupe-là s'appelle The Clits, avec un K. Donc il s'en est fallu de peu pour qu'on... On doit parler plus tard de ce groupe, seulement, ils décident d'enregistrer des albums. Ils sont notamment pris sous leur aile par Philips. Ouais, on a cité Virgin tout à l'heure, là c'est Philips. C'est vrai que les grandes majors à l'époque sont assez aventureuses, enfin disons, non, soyons plus concrets, savent que la musique aventureuse se vend, donc du coup décident de laisser vraiment des groupes faire leurs preuves et signent des groupes comme ça après un 45 tours. Ce sera le cas de ce Clits qui du coup va changer de nom et s'appeler Groupe 1850. Ou Grups 1850, si on le dit en hollandais et qu'on ne sait pas le prononcer le hollandais. Mais voilà, c'est le nom de ce groupe-là. C'est un groupe de musique psyché. On est en 68-69. Pas mal en avance sur son temps. Je dirais pas que c'est un groupe qui a forcément bien vieilli, mais c'est vrai que quand on écoute ça, on se dit tiens, quand même, on dirait plutôt du 74-75. Il y a vraiment des belles productions, c'est bien écrit. Et ils sortent leur premier album, donc les singles cartonnent, donc ça sent le bon plan. Donc Philips, ok, allez, signez votre premier album. Et sortent leur premier album en 1968. L'album s'appelle Agamo's Trip to Mother Earth. Alors, c'est là aussi un album concept. Là aussi, ça raconte une histoire de planète, puisque c'est Agamo, le fils de Dog, pas God, mais Dog. Agamo, fils de Dog, qui vient de la planète Hirotas, qui va visiter la Terre pour prendre conscience et se rendre compte à quel point l'humain est dépravé et à quel point on vit la paranoïa des cités. Voilà, c'est un album donc, qui dénonce quelque part. On est vraiment à fond dans le hippie. Qui dénonce la société contemporaine telle qu'elle est en train de devenir. Déjà qu'à l'époque, c'était pas joyeux, mais bon, les gars, ils seraient là maintenant, ils prendraient une grosse claque. Je sais pas s'ils feraient du psyché d'ailleurs, plus personne ne fait du psyché dans notre période. On dirait que là, on peut plus. Voilà. Mais bref, en plus, j'ai dit n'importe quoi. Il y a des très très bons groupes qui continuent à utiliser ce filon-là pour notre plus grand bonheur. Mais là n'est pas la question. Donc, Agamo, de la planète Hirotas, visite la Terre. Et c'est ça que raconte cet album. Donc, Agamo's Trip to Mother Earth, sorti en 1968. On va s'écouter un titre, You Did It Too Hard. Petits accents zapaïens, je trouve, et qui donc a su me séduire parce que je suis assez facilement séduit. Quand il y a des accents zapaïens, le temps de retrouver ce morceau You Did It Too Hard, donc de groupe 1850. Shut up, I want to tell you a story. I know what you mean. Shut up. Yeah. You know that girl, you know, what I wanted to tell you. You did it too hard. Yeah, no, you did it too hard. What do you mean? No, you raped her. You mean that? I did too hard? You mean that I did too hard? No, I'm serious. I did too hard? Shut up. You mean I did too hard? No, shut up. I'm serious. You're serious, man. You've done it too hard. You know what it means? It's a lie. When you're scared. I'm angry. I want to tell you a story. It's true. Ain't nothing going on. Et c'est pas mal tout ça, on se dit tiens mais finalement ça colle pas trop mal après avoir écouté pas mal de gong, on est vraiment dans le même univers. Bon c'est trompe l'œil, hein, je vous le dis de suite, ce titre il est un peu à part dans l'album qui a pas forcément cette couleur là. Il y a cet humour qui est visible de temps en temps mais rarement autant. Pour le reste, on est quand même plutôt sur un propos psychédélique. Encore une fois, on est assis sur des tapis par terre, des tapis indiens. Et on porte des patogas et il y a du patchouli qui crame. C'est un petit peu plutôt ça l'ambiance de ce groupe 1850. Et je me répète, mais vraiment... C'est pas que ce soit transcendant, mais je trouve que quand même, 68, les gars sont bien avancés. J'ai entendu des choses beaucoup plus tard qui n'étaient pas forcément mieux. Et mais pour le coup, ça n'aura pas marché. Ça prend pas du tout le marché hollandais. Donc, qu'est-ce que fait Philips? Il décide de tenter de conquérir le marché britannique, friand de psychédélisme. Et donc, on ressort l'album, mais ça marche pas non plus en Grande-Bretagne. Un groupe qui finalement aura pas trouvé son public. Et dommage, peut-être trop tôt quelque part. Je parle assez souvent des. Enfin, c'est toi, Nico, qui nous a entraîné sur ce terrain-là, des pochettes. Et la pochette de cet album-là, Agamemnon Trip to Mother Earth, est assez sympa. Je pense que c'est possible que ce soit comme ça qu'il se soit laissé attirer, Stephen Stapleton et autres John Fogerseal. C'est une pochette, c'était assez rare à l'époque, avec une image en 3D sur la couverture. C'est une photo en 3D et fournit les lunettes 3D pour pouvoir regarder et avoir l'impression de relief. Donc là, on y est vraiment, on se fume un gros spliff, on s'allonge par terre, on met des lunettes 3D, il y a des reliefs, oh, c'est trop beau, ça bouge, et en plus, on a de la bonne musique psyché derrière, on est en plein dedans pour suivre un peu les aventures d'Agemo sur la planète Terre. Ça finit pas très bien, parce qu'à la fin, il meurt, mais à la fin, il renaît. Le dernier morceau s'appelle Reborn, mais c'est pas celui-là qu'on va écouter, on va s'écouter A Point in This Life. Là, c'est l'Arpiscord qui est à l'honneur, et voilà, c'est trippant, c'est chouette. Si vous avez un petit pétard pas loin, n'hésitez pas à l'allumer, sinon du patchouli fera l'affaire, ou le CBD, c'est plus actuel. En tout cas, A Point in This Life, groupe 1850, tiré de l'album Agemos. Allez, c'est parti. Drinks out of the fountain deep in his soul. He's always thirsty, and he grows up to a father. A point in his life, he gets millions of children without a wife. Universal people. Human being in timeless time. Turn on. Omega. Thank you. Le bonheur, c'est simple comme un fade-out. Ah, ça fait toujours plaisir. On vient d'écouter groupe 1850, Point in This Life, donc tiré de l'album A Game of Trip to Mother Earth, sorti en 1968. Donc, album sorti en 68 en Hollande. Bon, ça marche pas trop. Ressorti par Philips en Angleterre sous leur label. Ça marche toujours pas. Bon, ben Philips lâche l'affaire hein, parce que bon, ça va 30 secondes de miser sur les musiques aventureuses, mais si elles vendent pas, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, du coup, Philips lâche l'affaire et groupe 1850 sort son deuxième album chez Discofun. Ça ne s'invente pas, ce nom de label. C'est un label hollandais. J'avoue, ils ont fait fort au niveau du nom. Mais ça ne marche toujours pas. Bon, voilà, ça ne marche toujours pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas entre le public et la musique de groupe 1850. Pour autant, vraiment, pour avoir écouté... Bon, je vous ai vraiment pris les deux meilleurs morceaux de cet album-là. Mais pour avoir écouté cet album, vraiment, c'est... Enfin, il y a des groupes moins bien qui ont marqué l'histoire de la musique. Celui-là aurait pu mériter de le marquer, mais bon, allez savoir. Une concordance de temps entre des oreilles, des cerveaux et une musique. Voilà, je ne sais pas ce qui tournait comme drogue à l'époque. Elle était peut-être pas top. Et voilà, en tout cas, ça a moyennement marché pour eux. Et c'est bien dommage. Donc, ils sortent leur deuxième album. J'ai oublié le nom de cet album. Je l'avais... Mais non, c'est parce que j'ai oublié de le noter. Il a un nom hyper psyché. Mais tant pis, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ce deuxième album, il est pas top du tout, à vrai dire. Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment du psyché attendu. Il y a une espèce d'ambition au niveau de la prod qui s'entend et qui, du coup, enlève un peu ce qu'il pouvait y avoir de frais de naïf dans le premier album. À part un titre que j'ai gardé, qui est très court, qui dure une minute à peine, et qui s'appelle Circle. Et là, pour le coup, on retrouve un peu le côté un peu con, zapaïen, assez agréable. Pour le reste, voilà, si vous êtes amateur de musique psyché, premier album est carrément recommandable. Je trouve vraiment très bien, on s'y retrouve, tous les canons du genre, c'est bien fait, comme vous avez pu l'entendre sur les deux titres qu'on vient de partager. Le deuxième album est vraiment, vraiment, vraiment pas indispensable. On va quand même écouter le titre Circle. Allez, c'est parti. Forcément, j'ai choisi le titre avec un fade-out. Paradise Now, c'est ça le nom de l'album de groupe 1850. Deuxième album qui marche pas du tout, toujours, hein, pareil. Et du coup, le groupe se sépare. Voilà. C'est plutôt triste parce que c'est un groupe qui aurait mérité de trouver... Enfin, en tout cas, le premier album aurait vraiment mérité de trouver des oreilles. Je pense que voilà, c'est une espèce de concordance. Ça serait sorti en Allemagne à la même époque, allez savoir. Mais bon, voilà. Toujours est-il, c'est un groupe qui est un peu resté dans les oubliettes de l'histoire. Si ce n'est sa présence dans la Nurse With One List qui lui a permis d'avoir une deuxième vie, comme pas mal de ces groupes-là. Bah pour moi, ça peut rester dans l'histoire de mon mémoire. Ah ben c'est parfait, déjà. Bien pleine en plus ta mémoire. Avec. Tu peux nous rappeler à combien d'émissions de radio tu as déjà fait de Mock Crawl Slow? En janvier, le 5 janvier, on arrive au... Le 30e année, donc ça veut dire autour de 1500 émissions d'émissions de Radio Panique qui s'appellent Mock Crawl Slow. Eh ben, punaise, eh ben, c'est bien chouette. Merci Steven Stapleton et John Fergus Hill d'avoir permis que tu rencontres un groupe encore en plus. Groupe 1850. Sérieux, le premier album, il est vraiment chouette. Ouais. Il s'écoute très bien. C'est très bien fait. C'est pas prétentieux. C'est... Voilà, ça renvoie vraiment à une époque précise et on y retourne avec plaisir. Ouais, j'aime bien, mais comme tu disais, ça n'a pas marché. Et je comprends aussi un peu pour quelles raisons. Et ce n'est pas uniquement avec eux, mais avec beaucoup des autres formations qu'un groupe qui ne chante pas dans leur propre langue, ça ne marche pas toujours. Tu vois, c'est chouette. Et si ce n'est pas notre langue maternelle, on dit « Oh, c'est chouette comme musique », mais si c'est ta propre langue, tu entends que ça ne marche pas. Ah, c'est pas faux. C'est pas uniquement avec eux, c'est avec beaucoup des groupes que je trouve qu'ils sont super chouettes, mais on lève le voix et c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. Cela dit, Gong, qui est notre fil rouge, certes, on a des musiciens d'origine britannique, pour ne pas dire australienne, mais c'est quand même un groupe français et ça a vachement, vachement marché, pourtant avec des paroles en anglais et toute une cosmologie racontée en anglais. Certes, les albums étaient titrés en français, Camembert électrique, pour le coup, on peut pas imaginer plus français comme titre, comme nom d'album. Mais pour le coup, eux sont arrivés à trouver un public de fous. Et puis leur pendant noir du côté obscur, qui était Magma, parce que c'est vrai que Gong et Magma, c'était vraiment les deux groupes qui cartonnaient dans les années 70 en France, qui étaient les groupes prisés par les musiques underground. Eux aussi, carrément, avaient... alors, pour le coup, c'était même pas de l'anglais. Ils avaient inventé leur propre langue, le cobayen, et rencontré un grand, grand succès quand même. Tout à fait, tout à fait. Et comme tu viens justement de parler de Magma, je le viens de voir quelques semaines avant, à Louvain. Et c'était super, mais désolé pour Christian Vander, on voit qu'il a la fin de ses carrières comme batteur. Ah ben ouais. Bah, sur le dernier album, d'ailleurs, il ne joue pas de batterie. Et il est remplacé par, je confonds tout le temps les deux, la Mats et Morgan. Je crois que c'est Morgan Agren qui est le batteur. Et oui, ça fait un petit moment. J'ai toujours pas vu, moi, cette nouvelle formation de Magma. J'avoue, je reste traumatisé par l'éviction de Philippe Bussonnet, parce que pour moi, c'était le son de Magma depuis une quinzaine d'années, au moins. Et la disparition de James McGough, qui était pas pour rien aussi dans le fait que les lives de Magma étaient vraiment mortels. Mais je jetterai un œil curieux à cette nouvelle formation. On revient à Gong. Tout à fait, parce qu'on ne va pas trop traîner avec Magma, que nous tous les deux sommes très fans, je pense. Ouais, puis en plus du reste, Christian Vander fait partie de la liste, donc on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, tout à fait. Donc on va continuer avec le deuxième album autour de la trilogie qui s'appelle Radiogramme Invisible. Et donc on va avec la partie 2 qui s'appelle... Angel's Egg, qui était sorti initialement en 73, et ce qui était enregistré en France, mais que le mix final était réalisé en Angleterre. Je ne sais pas pour quelle raison qu'il a fait ça, parce qu'on parle début des années 70, donc ce n'était pas facile de l'envoyer dans un fichier électronique de la France vers l'Angleterre. Donc je ne sais pas pour quelle raison qu'il a fait ça. Mais ils ont, à mon avis, une bonne raison. Et aussi, j'ai bien compris qu'il y a dans l'album, il y a un livret où ils expliquaient bien l'histoire de le Radiogramme Invisible Trilogy, la mythologie autour de Gong. Et je pense que tu aimes bien aussi ce mythologie de Gong. Ouais, carrément, oui, bien sûr. De base, déjà, je suis fan de tout ce qui est concept album. Et ouais, c'est vrai que dans les années 70, tout ce qui était cosmologie inventée, tout le monde s'y est mis à peu près, des groupes inconnus jusqu'aux groupes qui tenaient les têtes d'affiche et qui remplissaient les stades. Et ouais, je suis toujours assez féru de ça. Et surtout, la leur, c'est un gros, gros contre-pied. Je parlais de l'antagonisme magma-gong. Bah, justement, la magma, c'est toujours une histoire de planète. Hein, on va sur Kobaya. on découvre sur Kobaya, c'est la vérité, qu'en fait la Terre c'est infâme, et on revient sur la Terre pour leur expliquer qu'ils sont tous infâmes et qu'on va les détruire avec le mécanique destructif commando. Bah là pour le coup, Gong, on est sur quelque chose de plus léger, de plus marrant, voilà, c'est surprenant, enfin on est sur des mondes un peu psychés. Ils ont pas inventé cette machine là, mais elle est toujours hyper agréable à entendre. Enfin écoutez, le Yellow Submarine le dessin animé là des Beatles, mais c'est n'importe quoi, mais c'est on est dans le même esprit, mais c'est chouette. Enfin j'avoue, j'aime bien cette légèreté justement, alors que la musique est et voilà, tu parlais tout à l'heure de musique difficile, compliquée, à la fois je trouve qu'elle peut parler directement au cœur, et qu'elle soit accompagnée comme ça par une petite histoire, je trouve que ça fait une porte d'entrée supplémentaire, et je comprends que ce groupe ait plus marché que d'autres groupes psychés de la même époque en France. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et peut-être que c'est le bon moment d'écouter le morceau qui s'appelle Love is How You Make It, qui vient de cet album-là, qui s'appelle Angel's Egg, donc le radiognome invisible, partie 2. Love is how you make it. Ils ont bien raison, Gong. Donc on est sur la Radiognome Trilogy, le deuxième album Angel Egg, et on va... Bon, on a perdu Nico. On va essayer de le récupérer. Peut-être que pour le récupérer, si on lui met un morceau de plus de gong, il va revenir. Allez, en tout cas, c'est It's That Phone Coda, donc tiré toujours de l'album Angel's Egg, le deuxième album de la trilogie Ragnognome Invisible, donc le cinquième album de gong, si on prend en compte le Continental Circus, sinon c'est le quatrième, si j'ai bien suivi toutes les explications. Allez, It's That Phone Book Coda. Now, if you want to know just how to tune into the vibes of the planet, nobody else can tell you. Everybody got their own way to do it. Bye bye. Ah, c'est toujours vraiment excellent. On reste encore. Ouais. It's That Phone Book Coda, c'est le deuxième titre de Gong tiré de l'album Angel's Egg Radio Gnome Trilogy Part 2, pour être précis. Et voilà, on l'a passé parce qu'on t'avait perdu, et maintenant on t'a retrouvé, ça fait plaisir. Tu es encore là? Oui, c'est, la connexion n'est pas toujours stable et donc on va se débrouiller avec ce qu'on a pour l'instant. Ok, d'accord, ben, très bien. Eh ben, écoute, pour ma part, j'ai commencé par de la musique, entre guillemets, expérimentale, fermez les guillemets, et je vais boucler la boucle en finissant par un projet de musique expérimentale. Et toujours un peu le même principe de prendre un musicien plutôt de jazz traditionnel et qui se lâche. Là, c'est le cas de Jean-François Quiévreux. avec un Q. On va dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, alors qu'on parle des musiciens avec la lettre G. Eh bien, disons qu'après sa naissance en juillet 1926, ce Jean-François Quiévreux, qui est pianiste, arrangeur et compositeur, change de nom pour intégrer, enfin pour intégrer, il n'était pas obligé, mais en tout cas, en intégrant un groupe, il décide de changer de nom et de s'appeler Jeff Gilson. Un Gilson, donc du coup, là, on est cash dans le sujet, avec un G. Donc Jeff Gilson, avec un... commence sa carrière comme clarinettiste, pour le coup, pas encore pianiste, clarinettiste dans le groupe de Boris Vian. Et par la suite, il va se mettre au piano et jouer avec pas mal de musiciens assez connus et qui ont passé le cap du temps, comme par exemple Bernard Lubat ou Michel Portal ou Henri Texier ou encore Bernard Vité. Et ouais, toujours là. toujours dans le coin, c'est notre deuxième fil rouge, Bernard Vité. En tout cas, voilà, ils ont eu l'occasion de collaborer ensemble. Il devient directeur artistique aussi, Jeff Gilson, directeur artistique du sextet Les Doubles Six. Je sais pas si tu connais, Nico, ce sextet. Non, je connais pas ce sextet-là. Je connais justement ce qu'il avait ensemble avec Jean-Luc Ponty. Ok, bah moi alors pour le coup j'ai baigné dans mon enfance parce que mes parents avaient le disque et le passaient en boucle, donc j'ai baigné avec les Doubles Six, un sextet vocal, trois hommes, trois femmes si je dis pas de bêtises, et en gros qui reprennent a cappella des standards de jazz mais en inventant des paroles en français qui collent avec les rythmes, et c'est assez impressionnant. Faut pas travailler pas dans la foule, des trucs comme ça quoi, mais vraiment voilà. Hyper hyper bien fait, des relectures de standards du jazz. Et donc j'apprends que c'est Jeff Gilson, que je ne connaissais ni Dave ni Dadon, qui était l'arrangeur et le directeur de ce sextet. Donc on le retrouve plutôt officiant du côté du jazz bebop, et puis par la suite son jazz se fait un petit peu plus free, puis même Ethio Jazz, un album d'Ethio Jazz qui sortira en 74, Mahogany si je dis pas de bêtises, qui va chercher un peu du côté de la musique malgache avec des musiciens du coin, et qui est très réussi, vraiment, pour les amateurs et amatrices d'Ethio Jazz un peu malgache. Mais c'est pas sur cet album-là que je vais m'arrêter sur l'album précédent qui s'appelle Le Massacre du Printemps, et il y a aucun doute, c'est vraiment cet album-là que Stephen Stapleton et John Fogerty, ils l'ont entendu pour insérer Jeff Gilson dans leur liste, parce que pour le coup on est encore une fois dans la musique plutôt expérimentale. Le Massacre du Printemps, ça porte ce nom parce que en fait ça a été une espèce de pulsion de la part de Jeff Gilson le lendemain de la mort d'Igor Stravinsky, quand il apprend ça. C'est d'enregistrer, de rentrer en studio et d'enregistrer un hommage, une espèce de drôle d'hommage à Igor Stravinsky, parce que déjà que la musique de Stravinsky, quand elle était sortie, Le Sacre du Printemps, justement, je crois que c'est 1917, si je dis pas de conneries, bon, ça... Ouais, le public était pas vraiment prêt et les critiques ont pas été à fond. Enfin, c'était vraiment très très en avance et d'aucuns et d'aucunes ont prétendu que c'était pas vraiment de la musique. Là, pour le coup, Jeff Gilson, il reprend Stravinsky et il le massacre à son tour pour en faire encore moins de la musique, si j'ose dire. C'est un peu ça l'hommage. Il s'entoure de copains. C'est Pierre Moret qui est à l'orgue, Jean-Claude Portier qui est à la batterie. Jeff Gilson, il est au tuba, en tout cas sur le morceau qu'on va entendre, le morceau titre, donc Le Massacre du Printemps, et il y a encore un quatrième copain dont j'ai pas noté le nom, qui est au piano préparé. Voilà, c'est le titre qui ouvre l'album éponyme, donc Le Massacre du Printemps, et effectivement, franchement, je pense qu'Igor Stravinsky, il a dû se retourner dans sa tombe, mais de plaisir, comme on se retourne dans un lit quand on est bien, et qu'on sait qu'on va être encore plus bien en se mettant de l'autre côté. Pareil, parce que pour le coup, c'est un bel hommage que de prendre la musique de Stravinsky, d'être aussi irrévérencieux avec elle. Alors c'est parti, Le Massacre du Printemps, donc c'est Jeff Gilson sur Radio Radio. Massacre du printemps, Jeff Gilson, donc sur Radio Radio, tiré de l'album Le Massacre du printemps, donc réaction spontanée à la nouvelle de la disparition d'Igor Stravinsky. Jeff Gilson s'entoure de ses copains musiciens pour enregistrer un album qui vraiment dénote complètement dans sa discographie, qui pour le reste sera plutôt sage, si j'ose dire, en tout cas un petit peu moins surprenante et barrée, donc à n'en pas douter. Je sais pas comment il a fait, mais Stephen Stapleton s'est procuré cet album et ça explique la présence de Jeff Gilson dans la Nurse With Wounds list. Voilà, pour le reste, cet album contient 5 expressions spontanées sans préméditation, je cite, c'est ce qui est écrit sur l'album, 5 passages d'improvisation, plutôt chouette, j'avais prévu d'en mettre un autre, mais l'heure avance, alors je vous invite à vous renseigner par vous-même et à écouter cet album, Le Massacre du Printemps, qui n'est pas non plus un album mémorable qui fera date, mais qui est quand même très très très très bien fait et qui mérite en tout cas qu'on y consacre les 45 minutes qui durent, de mon point de vue. Et on va arriver doucement à la fin de l'émission de cette semaine-ci et on va continuer avec le 6e album de Gong, ou qui est considéré comme le 5e album du studio de Gong, qui s'appelle You, qui était le 3e épisode de le Radio Gnome Invisible, qui était sorti en 1974. Et comme tu disais avant que tu as vu Gong aussi live, quelle était ton expérience? Bah écoute, ça tombe bien d'ailleurs que tu mettes le choix que tu as fait, la Master Builder, de tirer de l'album You. J'ai vu Gong à 3 reprises, à vrai dire, parce que tu sais que j'ai beaucoup traîné mes guêtres au festival Rock in Opposition. Je suis aussi allé les voir à Toulouse. À vrai dire, comme j'étais pas tellement au fait, enfin en tout cas, les albums qu'on cite jusqu'alors, à l'époque, me parlaient pas tellement à l'oreille, donc ils m'étaient pas vraiment rentrés dans le cerveau. Et les concerts, je suis un poil passé à côté. Du reste, ils étaient plutôt âgés, c'était plutôt lent, c'était un peu bizarre. Sentais vraiment que c'était pour les fans, et j'en étais pas encore à l'époque, donc je suis passé à côté de ça. C'est bien dommage. Je prendrais bien une machine à remonter dans le temps pour réécouter ces morceaux maintenant que je les connais très bien. Mais par contre, j'ai une expérience assez étrange. À l'avant-dernier festival Rock in Opposition à Carmo, il y a le nouveau Gong qui a joué, c'est-à-dire la formation avec laquelle David Allen a enregistré l'album Rejoice I'm Dead, album qu'il a écrit juste avant sa mort. Et vraiment, dans ses volontés, c'était clair et net, il a clairement dit le Gong doit continuer. Donc il a demandé aux musiciens qui l'accompagnaient de continuer à faire perdurer le Gong et à écrire des nouveaux albums, et ce qui a été le cas. Et j'ai eu l'occasion de voir le nouveau Gong, juste après la sortie de l'album Rejoice I'm Dead, au festival Rock in Opposition. Et la programmation maligne voulait que juste après Gong, il y avait Acid Mother Temple, le groupe japonais qui jouait. Et alors pour le coup, ça faisait un petit peu mal parce que les deux avaient un seul morceau en commun, c'était Master Builder, le morceau qu'on va écouter là juste après. Ouais. Et n'a pas douté, s'il faut chercher des héritiers dans la planète Gong, il s'appelle pas Gong, il s'appelle Acid Mother Temple. Parce que là pour le coup, ils ont délivré un concert incroyable qui vraiment pour le coup, enfin c'était pas des reprises de Gong, il y avait juste ce morceau là, mais toute leur musique, quelque part, sonnait comme la continuité logique de la musique de Gong, et une continuité réussie, toujours surprenante, toujours avancée. Alors que l'autre Gong, le vrai Gong, en tout cas celui qui porte le nom de Gong, jouait des nouvelles compos qui vraiment dénotent dans cet univers-là. Et des reprises, c'est des musiciens hyper techniques, il n'y a pas à dire, ça joue du tonnerre. Mais voilà, quand on a le comparatif sur un morceau de Master Builder notamment, leur donnez pas honneur, quoi. Si vous aimez l'esprit Gong et que vous voulez le voir perdurer en concert, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de vous tourner vers Acid Mother Temple. Ouais, tournez-vous vers ce groupe japonais plutôt que vers des musiciens, certes de très bonne facture, plutôt inventifs. Je sais, ils ont une très belle carrière derrière eux, Cavastorabi des Cardiacs notamment. Enfin, je veux pas dire du mal, mais juste, c'est très compliqué de faire perdurer un esprit. Et quelque part, c'était peut-être plus facile pour des gens à qui on l'a pas demandé, qui l'ont fait de façon spontanée, parce qu'ils étaient vraiment fous, amoureux de Gong. Et Acid Mother Temple, dans leur discographie, souvent, très très souvent cité Gong, et Master Builder, il le joue pas depuis hier. C'est vraiment un morceau qui fait partie de leur répertoire depuis très longtemps. Et je crois que c'est là qu'on peut trouver la filiation. Voilà, c'est ça ma petite anecdote. Si vous aimez l'esprit Gong, allez le chercher chez Acid Mother Temple, c'est incroyable. Ce groupe est incroyable, joue un poil trop fort. Il faudrait qu'il se calme un peu au niveau du volume, mais par contre... Il faut pas. Ouais, c'est super. Ouais, c'est vraiment mortel, ouais. Ouais, vraiment. Et aussi, il y a en 2006, il y a aussi Acid Mother Gong, où que David Allen et Jilly Smith ont rejoint Mother Temple, The Acid Mother Temple. Et donc, c'était fantastique. Ah, j'ai pas écouté cet album-là, mais je veux bien te croire. Parce que, ouais, après Gong, on finit l'histoire parce que l'émission se terminera après le dernier morceau, mais. Voilà. En gros, ça scissionne, il y a du New York Gong, il y a du gong, du Pierre Morlens Gong, c'est le percussionniste du dernier album de la trilogie qui prend le pouvoir, pour une espèce de jazz rock pas forcément inintéressant, mais tellement, tellement loin de l'esprit original. Ouais. Tu veux parler un peu de ça? Comme je disais, pour moi, que j'ai eu l'occasion de le faire quelques fois, le premier fois, c'était David Allen Trio, qui était vraiment fantastique, mais là, c'était vraiment David Allen. J'ai eu l'occasion de le voir mi des années 90 à New York. Gong, c'était chouette, mais c'était pas extraordinaire. Après, j'ai encore vu une ou deux fois en Europe. C'est chouette, mais pas plus que ça. Tu vois, pour moi, ça termine après cet album You. C'était terminé avec Gong. Le texte, la composition de David Allen et de Jilly Smith, c'était terminé, c'était fini, c'était une bonne clôture, et je pense que c'est aussi une bonne clôture pour l'émission de ce soir, qu'on clôture avec ce très bel morceau qui s'appelle Master Builder, lequel on trouve sur l'album You, qui était le troisième épisode de Radio Gnome Invisible, qui était sorti en 1974. Et là, vous pouvez écraser votre pétard, éteindre votre patchouli et vous lever de votre tapis, parce que... C'est de la pure trance, comme on n'en entend pas assez souvent, et c'est juste une petite merveille. Voilà, petit conseil en passant. Allez, c'est parti. Thank you. titre Builder de Gong, qui était sorti en 1974 sur l'album You, qui était le troisième gnome invisible, partie 3. Et donc, après ça, il y a David Allen et Jilly Smith qui ont quitté Gong. Et Gong continue de vivre, d'exister, mais dans une autre manière, dans un autre esprit. Donc, pour moi, l'histoire arrête là. Et pour un certain nombre de... ça continue. Pour moi, il y a aussi, à partir de ce moment-là, il y a David Allen qui continuait plutôt en solo avec des albums comme Good Morning ou The Happiest Time of Your Life ou Comme N'Existe Pas ou Playbacks 80, pour citer quelques albums. Donc David Allen, ça reste pour moi un très très grand monsieur. Ouais, puis t'as pas cité la période Pierre Morlens, et je te comprends parce que c'est pas du gong, mais cela dit, les albums Gazaz et Expresso, c'est pas... ça n'a rien à voir, mais c'est pas mal non plus, en soi. Enfin, je trouve. Ouais. Vous venez d'écouter vraiment autre chose. Et c'est sur les 12 mélopées de Samla Mamasmana qu'on retrouvera quand on abordera la lettre S, donc dans quelques temps, on va pas se mentir, que se termine cette 189e émission de Vraiment Autre Chose, au pied de la lettre 19, donc toujours la suite de la tentative d'exploration de la Nurse with Wound List sur Radio. Il est 23h40. Et on mesure à l'instant juste la chance qu'on a d'être dans une radio libre qui nous laisse déborder autant qu'on veut, tant qu'on est motivé par le sujet qu'on a envie de partager. Et c'est bien chouette. Alors un petit merci à Luc et à toute l'équipe de Radio de nous laisser autant de liberté. Il est venu le temps, non pas des cathédrales, mais de l'interminable et insupportable récapitulatif de fin d'émission. Là, on est... commencer ce soir avec un premier morceau de Gong qui venait de leur premier album qui s'appelle Magic Brother, qui était sorti en 69, et le morceau que nous avons entendu, c'est Mystic Sister Magic Brother. Ensuite, on a entendu ce que ça donnait quand on demandait à un honnête sans plus batteur de bebop d'écrire la musique d'un film anarchiste à tendance on arrête de travailler, on se pose et on verra bien ce que ça donne, à tendance l'an 01 un petit peu quoi. C'est Jean Guérin pour le coup, le batteur, et l'album est magnifique. Il est sorti un an après le film sous le titre Tasset. Il a été ressorti par Souffle Continu. Il vaut vraiment le coup d'oreille. C'est sur Bandcamp, et on en a écouté 4 titres: Triptyque 2, BM37, Interminable Hommage à Zaza et Réflexion 2 et 1. Et ensuite, on a replongé dans l'univers de Gong, et là, on a entendu quelque chose. Si on met l'électricité sur le fromage camembert, on arrive à I've been Stoned Before, l'album Camembert électrique qui était sorti en 1971. Ensuite, on est passé en Allemagne avec le groupe Gash, G-A-S-H, qui n'aura pas laissé une trace très mémorable dans l'histoire de la musique, ni même dans mes oreilles à titre perso. Mais on s'écoutait la partie 2 de la suite A Young Man's Gash, tirée de l'album A Young Man's Gash. Et cette partie 2 était quand même assez sympathique, et je vous conseille la dernière minute de la partie 3. Et ensuite, on a retombé dans l'histoire de Kong. Cette fois-ci, Kong avec David Allen, qui est un peu bizarre de reciter le même membre à part, qui est quand même le membre de groupe de fondateur de Kong. Et on a entendu le morceau qui s'appelle Blues for Fentley, qui était un album de film de... comment on dit ça en français, un soundtrack. Une bande originale. Voilà, un bande originale qui s'appelle Continental Circus, qui était sorti en 72. Carrément. Et ensuite, on est passé au groupe. Alors, groupe inventé ou pas groupe inventé, le fameux God in Disguise. Tout à fait. Et là, c'était ça, je pense. Oui, OK. Et donc là, on a entendu deux morceaux. Le premier, c'était Davis Cup, et le deuxième, c'est Flash Clang, qui était sorti en 1977. C'était enregistré durant un festival jazz Sphérisch, qui était sorti en 77, et le groupe qui est un peu bizarre, qu'un côté c'était qui commence avec la lettre de F, Ferklet, good, mais qui est God in Disguise, donc voilà. Ouais, deux très chouettes titres, Davis Cab et Flash Schlag, ça donne envie d'écouter un peu la suite, et après on est retourné dans la planète Gong. Tout à fait, et là on a entendu The Flying Teapot avec la première partie de Radio Gnome Invisible Part 1, et le morceau que nous avons entendu c'était Which Song, I'm Your Pussy. Ensuite, je vous ai amené dans l'univers des Clits, mais renommé très vite groupe 1850, hein, les Hollandais de la Haye. On s'est écouté deux titres de l'album Agamo's Trip to Mother Earth, You Did It Too Hard, et suivi de A Point in This Life. Et on est passé très très vite sur l'album Paradise Now, qui méritait pas qu'on s'y arrête plus. Mais on a écouté quand même un titre bien sympa tiré de cet album-là, dont le nom m'échappe. Circle, voilà, c'était Circle qu'on a écouté, voilà. De Paradise Now. Puis, et Regong. Tout à fait, et on a continué avec deux morceaux de Gong qui venaient de l'album Angel's Egg. C'était la deuxième partie de le Radio Gnome Invisible Part 2, de la trilogie qui était sortie en 73. Et le premier morceau que nous avons entendu, c'était Love is How You Make It. Et le deuxième, c'était Eat That Foam Back Cuda. On est reparti en France ensuite avec Jean-François Quiévreux, alias Jeff Gilson, pour son Massacre du Printemps, enregistré spontanément après la nouvelle de la disparition d'Igor Stravinsky. Et on a écouté le titre éponyme, Le Massacre du Printemps. Et à la fin, pour clôturer l'émission, nous avons entendu le Master Builder qui venait de Gong au nouveau. Oui, c'est Gong, Gong, Gong. On a entendu toute la soirée Gong et c'était leur sixième album qui s'appelait You. Et c'était la troisième partie de leur Radiogramme Invisible qui était sorti en 74. Et voilà pour le récap. Et on espère que ce gong que vous avez entendu, encore entendu, toujours entendu, continuera à résonner longtemps dans vos oreilles. En tout cas, gong, dans les nôtres. Ah, c'est clair, ce Master Builder, punaise, mais quel titre. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine, j'espère, avec le retour de certains ou certaines de nos camarades pour continuer cette exploration de la lettre G, voire même de la lettre H. De la Nursery Zone List. Il est 23h45 en ce jeudi 18 novembre 2021. Merci d'être resté aussi longtemps à l'antenne. Vous pouvez continuer à rester à l'antenne. Il y a du MR List d'Avjac, il y a du Captain Beefheart qui arrive, il y a du Vialka, du Electric Masada, du Residence Condense. Waouh! Bon, il y a une très très belle programmation musicale qui vous attend. Nico, merci mille fois. C'était trop chouette de faire cette émission en binôme. Avec plaisir, Manu. Un très grand merci pour l'invitation. Eh bien, écoute, invitation est relancée semaine après semaine. Et c'est pareil pour vous, chère amie auditrice. On vous retrouve avec plaisir dans pas très longtemps pour la suite de cette exploration. Bonne nuit. Ciao. Kan vända på smeken från drama till skämt. Och det har ju hänt.